À l'occasion du 75e anniversaire de naissance du grand général Kim Jong-il, Ho Jong-man, président du présidium du comité central de l'Association générale des Coréens restant au Japon, Chongyun, a publié le 12 un écrit sous le titre « La vie inoubliable de dévouement patriotique ». En voici le résumé. La vie du général père est caractérisée par la passion et l'amour ardent, une vie de dévouement patriotique consacrée entièrement pour la patrie et la nation. Dans les années passées, la Chongyun s'est développée en une organisation des Coréens d'outre-mer de type Juche, en dépit des répressions et empêchements des réactionnaires de l'intérieur et de l'extérieur du pays, et les compatriotes ont pu suivre fidèlement la voie patriotique. C'est grâce à la direction clairvoyante du grand général. Le général Kim Jong-il a fait de la Chongyun héritage patriotique du président Kim Il-sung, le pionnier du patriotisme, l'exemple de la fidélité et le modèle des organisations des ressortissants dans le monde. Il est le protecteur du destin des Coréens restant au Japon et le soleil éternel. Aujourd'hui, le respecté dirigeant suprême Kim Jong-un continue à merveille le dévouement du général Kim Jong-il en faveur de la Chongyun et des Coréens restant au Japon. Au nom des vœux unanimes de tous les permanents de la Chongyun et autres compatriotes coréens au Japon, je formule mes souhaits pour la mémoire éternelle du général Kim Jong-il et souhaite santé au respecté dirigeant suprême Kim Jong-un.